almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home. Aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. C'est ma beauté, dans son oreille j'ai chuchoté. Faire les oublier, la peloter. Je vais tout donner, cœur endetté. Elle est coquine, elle est coquette. Elle est pas bête, elle est parfaite. J'aime prendre soin d'elle comme un moto. Comme mes pesos, comme mes euros. Hey. Chérie coco, t'es ma coco. T'es la plus fraîche, j'ai pas photo. T'es mon moteur, t'es ma moto. Hey. Chérie coco, t'es ma coco. T'es ma coco. pas le mal, t'es la plus fraîche, y'a pas photo. T'es mon motard, t'es ma moto. On est précis, on investit, gros de croco. Le ciel est bleu, le cœur est gris. J'suis un foufou, j'suis un loco. J'veux la momo dans la popo. J'en veux beaucoup, bande popo. Joue à bibi, pas au loto. La vie en bleu dans le rétro. Y'a les gyros, y'a la popo. Chéri coco, t'es ma coco, t'es ma coco. T'es la plus fraîche, y'a pas photo. T'es mon moteur, t'es ma moto. Chéri coco, olema. T'es ma coco, t'es ma coco. T'es la plus fraîche, y'a pas photo. T'es mon moteur, t'es ma moto. J'aime la Dolce et la Noche. J'aime les zéros, mais en ocho. J'peux pas tout dire, j'vais la choquer. Tu penses à moi, j'pense à autre chose. J'aime la Dolce et la Noche. J'aime les zéros, mais en ocho. J'peux pas tout dire, j'vais la choquer. Tu penses à moi, j'pense à autre chose. Chéri coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche, y'a pas photo. T'es mon moteur, t'es ma moto. Chéri coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche, y'a pas photo. T'es mon moteur, t'es ma moto. Je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, je m'en fous, c'est ton bouche, je fous. la Nizuko. J'ai frité mon grain de verre rempli de scoop. J'allume mon joint, j'ai mis sort de mon loot. En Mamadou du château sur le t-shirt. Normal que les billets pleuvent, j'suis dans le strip. Si tu veux un cocktail, une bouteille de Bel Air, manger un steak frit, j'appelle le room service. J'veux sentir ton Victoria Secret dans ton string calvé. Un dimanche à Bamako, mais si ce n'est pas, non, hey, si ce n'est pas, si ce n'est pas ce que tu voulais, désolé bébé, c'est comme ça, aucune meuf sur terre ne pourra me changer. Tu n'es pas la première personne à avoir essayé. Pardonne-moi si j'ai une personne trop de reine. Viens poser tes fesses, comme dans la caisse. Vas-y, on se casse, mets ta ceinture, c'est ta crash test. Sur sa cuisse automatique, je passe pas les vitesses. J'accélère, on a la tête posée sur la vitesse. Toute la nuit, les pneus brûlent sur la route 66. Inconscient, on a pris le volant sous drogue et tease. Accélère, accélère, me dit ma montre suisse. Attends pas la cérémonie devant Elvis. Je ne te veux pas devant le pasteur. Devant les mamans dans le frère. Bébé, marions-nous à Las Vegas. Qu'est-ce que ça changera? Si je te dis oui devant mon père,

les paniers du monde à Fleury-les-Aubrais et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bannier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Georges Frayle et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Manela, aperta o cinto, não te esqueças de apertar, porque os tempos que aí vêm são difíceis de passar. Os políticos são todos iguais, a andar na mesma escola, eles querem é pôr a malta por aí a pedir esmola. Oh Manela, aperta o cinto, aperta, aperta até poder, pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh Manela, aperta o cinto, aperta, aperta. Estar preparados para aguentar a recessão. Prometem mundos e fundos, amanhã será melhor. A verdade é que quem trabalha vai de mal para pior. Toda a mente, dia a dia, não escapa que aflição. O que nos salva felizmente é ter o cinto sempre à mão. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados. Aguentar a recessão. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Preparados para aguentar a recessão. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados para aguentar a recessão. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados para aguentar a recessão. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Donc il est tout pile, et bien 13h35 déjà, bienvenue à vous tous et à toutes, et puis un bonjour, voilà donc et bien le retour avec bien sûr l'émission de l'accordéon. Voilà. Voilà, donc nous sommes ensemble toute l'après-midi avec bien sûr la musique d'accordéon, la valse, le tango, le passo et puis d'autres musiques différentes. Voilà, puis aussi un petit bonjour, tout simplement un petit coucou à Lionel, tout simplement qui a fait l'émission de ce matin, qui vous allez retrouver la semaine prochaine avec l'émission. Le téléphone sonne entre tout simplement 10h30, non 10h, 10h jusqu'à 12h30. Voilà donc. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec la valse suivie de la samba et puis d'autres musiques différentes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bonjour à vous les amis, heureux de vous retrouver. Bonjour à vous les amis. Zie het Louvre met zijn pracht, met de metro onderdoor. In de regen met een pluk knus over de avenue. Nee, ik heb geen spijt gehad, wat een mooie tijd was dat. Neem me weer mee naar de Champs-Élysées, want Parijs laat de liefde weer leven. Ik zou toujours in die stad van l'amour langs de Seine met jou willen zweven. Op een terras aan de Rue Montparnasse drinken wij dan een glas anisette. Daar in de zon speelt een leuke garçon op zijn accordeon vals musette. Parnas drinken wij dan een glas aan iets zetten. Daar in de zon speelt een leuke garçon op zijn accordeon vals musette. Oui, c'est si bon, nog een keer dat chanson op die accordeon vals musette. Vals musette. alla esteva incerta, il sole panava tu pies, cantando con mi chitarra, para ti alla estate, la playa esteva incerta. Tu sombrero y pontero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y pontero, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo. La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y pontero, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y pontero, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo. La luna fue caminando junto a la alas del mar. Tenía pelos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a la alas del mar. Tenía pelos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombra. Tu sombrero y pontero, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo, chiribiribi, popopopo. Voici donc la polka. Arc-en-ciel. donc après les tout simplement le Charleston, eh bien je vous laisse avec la valse. Arc-en-ciel. ciel danse dans tes yeux, tout le bleu pastel d'un tango qui chante pour nous deux. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, revivons le bonheur du jour où je t'ai suivi. Je n'entends plus rien de ce chant là-bas, de ce vent musicien où mon cœur qui bat, je suis si bien entre tes bras. Pourquoi songer? Et pourquoi savoir que c'est un rêve léger flottant dans l'indigo du soir? Avec le passe double. donc voici le boléro. Avec la Java et puis juste après le Fox. Thank you.

dos netos e a minha pequenina. Eu gosto dos teus feitiços, quero as tuas beijos, quero tocar tuas brincas. E com luz os meus olhos, ao olhar entre os teus, eu só quero os teus carinhos e também os teus beijinhos. Vamos chorar com os netos, se mirar os olhos negros e a minha frente caminha. Eu gosto dos teus feitiços, quero as tuas beijinhos. Vamos chorar com as brincas e com os meus olhos, ao olhar entre os teus. Eu só quero os teus carinhos e também os teus beijinhos. Vamos chorar com os netos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà donc un retour avec, bien sûr, l'accordéon et voici la marche et puis juste après le tcha-tcha. Thank you. côté l'Espagna et puis après ce sera tout simplement la musette. Avec l'Espagne et puis juste après la tarentelle. sur Arc-en-Ciel. Voilà donc du côté la guinguette. retraite, et se font des idées toutes faites. Chaque jour ce serait l'été, ils n'ont rien préparé, car ils pensaient à tout, en tout que ça serait bien, on n'en fait rien du tout. Les Tamalous sont des gens très en forme, et le matin, il faut se dérouiller, lever les bras et garder le pied ferme. Recommencer, surtout ne pas penser. Les Tamalous ont vraiment de la chance. Ils ont pour eux le fruit de leur passé. En plus pour eux, c'est tous les jours dimanche. Ils peuvent dormir ou bien aller danser. Mais la vie passe si vite, la retraite est bien là. Et l'on se sent tout vide, on traîne par ce par-là. On va voir la famille, on prend quelques vacances. On reçoit des amis, mais seulement le dimanche. Les Tamalous sont des gens très en forme. Et le matin, il faut se dérouiller. Lever les bras et garder le pied ferme. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les Tamalous ont vraiment de la chance. Ils ont pour eux le fruit de leur passé. En plus pour eux, c'est tous les jours dimanche. Ils peuvent dormir ou bien aller danser. Allez, ça marche. Très en forme, et le matin il faut se dérouiller. Lever les bras et garder les pieds fermes. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les Tamalous aiment bien les voyages. Quand ils sont jeunes, il faut bien travailler. Mais maintenant, ce n'est plus de leur âge. Mais pour le travail, ils ont assez donné. Pour le travail, ils ont assez donné. Pour le travail, ils ont assez donné. Voici donc le tout simplement et bien du côté encore un autre morceau de Passe Double. Et puis juste après, ça sera tout simplement une autre musique différente. On y revient un petit tour du côté Boléro. voici donc la musette et juste après, eh bien, le fox. Toute la France chanson. Jolie Corrèze que l'on a tant chanté, ta courtoisie française, je ne l'ai pas oubliée. Tes rivières poissonneuses font que tous les étés, toi ma belle Corrèze, j'y viens me reposer. On peut visiter toute la France dans une chanson, dans une chanson, dans une chanson. Prenons le temps d'écouter toutes nos belles régions dans une chanson, dans une chanson. S'ils font souvent la fête dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'ils ont trop souffert dans les cités houillères. Je sais qu'ils ont de l'or au fond du cœur. Leurs bêtises, je les adore quand elles viennent de Cambrai. Dans le Berry, il y a la Brenne, ce pays que nous l'on aime.

13 avril prochain à l'espace Montisson à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Frey et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en prévente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette prévente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalich à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho de Nossa Terre à Orléans-la-Source. Les paniers du monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Georges Frey et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Ficou sem nada na mão. Quem não me acredita, pergunte ao Clinton se é ou não. Ela até já fez um livro. Ela até já fez um livro que é de tirar o chapéu. Que é de tirar o chapéu. E quando ela o apresenta, até já se põe de pé para explicar o malhão e dizer o que ela é. E parece já ninguém se entende. Parece já ninguém se entende. É sacristão. Até artolas e artistas, até artolas e artistas já vão aprendendo aos poucos. Já vão aprendendo aos poucos a malhar em sinfonia. Muito malham uns nos outros. Já que a vida é um malhão, já que a vida é um malhão, vamos malhando até ver. Vamos malhando até ver. Eu cá também tenho um malho para malhar o que aparecer. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Donc eh bien, je vous laisse avec la marche, mais avant tout simplement le tcha-tcha. Thank you. je ne serai jamais parigot. Car là-bas, y'a pas de merlot. Je ne veux pas prendre le métro, car les sièges me font mal au dos. Je ne serai jamais parigot sur un comptoir de bistrot et rentre chez moi à vélo après deux ou trois petits verres d'eau. Je préfère les petits ragots sur un comptoir de bistrot et rentre chez moi à vélo après deux ou trois petits verres d'eau, après deux ou trois petits perlots, après deux ou trois petits perlots. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. tango du bal musette. Rendez-vous les midinettes qui se font compter fleurettes en dansant joue contre joue. Le tango du bal musette dans l'ambiance des guinguettes. Un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Bientôt 52. Voilà donc eh bien l'émission, bien sûr, touche déjà à sa fin. Voilà donc, on va se retrouver prochainement. Voilà donc, on se retrouve d'ailleurs aussi mardi prochain à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. fait doux, aller se promener en Savoie chaque hiver ou en été. On se refait un vrai moral d'acier, la grande montagne c'est la santé. De Maurienne, en parenthèse, par le col du Galil, on aperçoit les vallées. De Maurienne, en parenthèse, on se balade de Modane jusqu'à Moutier. De Maurienne, en parenthèse, on peut faire le tour des pays, un crochet par Courchevel. De Maurienne, en parenthèse, par Saint-Michel ou Saint-Jean, on est content. On a de la chance car la neige est tombée, dès ce matin les pistes sont damées. Nos grands sapins sous un beau ciel tout bleu, y a rien de tel pour être heureux. De Maurienne, en parenthèse, par le col du Galibier, on aperçoit les vallées. De Maurienne, en parenthèse, on se balade de Modane jusqu'à Moutier. De Maurienne, en parenthèse, on peut faire le tour des belles, accrochez pas ton cheval. De Maurienne, en parenthèse, par Saint-Michel ou Saint-Jean, on est content. Ce soir à la nuit tombée, on rentrera, c'est sûr, très fatigué. On ira entre copains, chez les lui. Sans pas sans prétention, c'est en Maurienne ou bien en parenthèse que la vie a du bon, du bon. De Maurienne en parenthèse, on aperçoit les vallées. De Maurienne, en parenthèse, on se balade de Modane jusqu'à Moutier. De Maurienne, en parenthèse, on peut faire le tour des baies, un crochet par Courchevel. De Maurienne, en parenthèse, par Saint-Michel ou Saint-Jean, on est content. Para nada acontecer, se 3 horas no continente e na Madeira, 2 horas nos Açores. Diogo Pereira, o que nos conta as notícias a esta hora? Mais de 25% dos eleitores já foi votar, é um número superior a 2022, dá conta à Comissão Nacional de Eleições. Os líderes dos principais partidos já votaram, apelaram a ir às urnas, apesar do mau tempo. O Papa Francisco pede à Ucrânia que tenha a coragem de levantar a bandeira branca e negociar o fim da guerra. Kiev já condenou as palavras do líder da Igreja Católica. Estão 13 graus no Porto, 15 em Coimbra e Lisboa, 18 em Faro e Ponta Delgada e 21 graus no Funchal. As notícias às 13, a edição é do Diogo Pereira. Até ao meio-dia votaram mais de 25% dos eleitores para as legislativas que se estão a realizar. Os números foram deixados à Antena 1 pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. É uma afluência mais alta do que em 2022, na conta Fernanda Anastácio. A taxa de participação até ao meio-dia é 25,21%, o que corresponde a um pequeno acréscimo comparativamente com a mesma hora nas eleições de janeiro de 2022, ou seja, na altura estávamos perante um dado, um número de 23,71. Portanto, na fotografia, digamos que assim, ao meio-dia, há de facto aqui um pequeno crescimento de participação, que é positivo, e esperamos que isto se mantenha ao longo de todo este dia. Fernando Anastácio, ouvido pela Antena 1, diz que tem sido, de resto, uma manhã eleitoral calma e sem incidentes. Estes números são referentes até ao meio-dia. Votar é fundamental para que uma democracia funcione. Foi o que disse o ainda primeiro-ministro António Costa. Celebramos este ano os 50 anos da nossa democracia e não há seguramente melhor forma de celebrar a nossa democracia do que exercer o direito de voto. E, portanto, o apelo que eu faço a todas e a todos aqueles que ainda não o fizeram é que votem, escolham, decidam. Há uma oferta partidária bastante diversificada e, portanto, cada um, na sua consciência, saberá qual é a melhor solução para o futuro do nosso país. Agora, o que é fundamental é ninguém ficar em casa, ninguém deixar os outros decidir por nós e cada um fazer a sua escolha. O antigo Presidente da República também já votou. Cavaco Silva refere que estas são as eleições mais importantes. Todas as eleições são importantes, mas eu penso que estas são particularmente importantes para o futuro do país. A campanha eleitoral, quanto a mim, foi esclarecedora quanto às diferentes opções. Este é o tempo de votar. E eu espero bem que os portugueses, todos os portugueses eleitores, não deixem de exercer o seu direito de escolher aquilo que eles pessoalmente consideram ser o melhor para o futuro de Portugal. São esses os meus votos. Os desejos do antigo Presidente da República, Cavaco Silva, quanto aos líderes dos principais partidos também já votaram. O 25 de Abril, a abstenção e o apelo ao voto foram as frases mais ditas pelos candidatos. Rosa Azevedo. A abstenção e os 50 anos do 25 de Abril foram as referências em comum nas declarações à porta dos locais de voto. Rui Rocha foi o primeiro candidato a primeiro-ministro a exercer o direito de voto e fê-lo em Braga. Chegou finalmente o dia, as expectativas são as melhores, é o dia dos portugueses manifestarem a sua vontade democrática. Luís Montenegro votou em Espinho e disse estar sereno quanto à escolha feita pelos portugueses. A minha expectativa é que haja uma boa participação, uma alta participação. Estou muito tranquilo com o respeito por aquilo que é a manifestação que cada um vai expressar. Em Lisboa, também da parte da manhã, Pedro Nuno Santos foi um dos que invocou os 50 anos da Revolução. É muito importante que as pessoas possam participar. Este direito foi arduamente conquistado, nós devemos celebrá-lo. Um direito realçado em Alhos Vedres, no Conselho da Moita, por Paulo Raimundo. É um bom momento para afirmar, abriu também por essa perspectiva do direito ao voto, esse direito que estou tanto a conquistar. Mariana Mortágua mostrou-se contente com a aparente mobilização para votar. Gosto sempre de chegar às mesas de voto e de esperar para votar. É sempre um bom sinal e por isso fiquei aqui feliz hoje por ter esperado alguns minutos. A abstenção também foi o ponto central da declaração de Rui Tavares depois de votar. É muito importante.